c'est qu'à vos regrets j'unisse tout là. Mais non, fuyez les pleurs du remords et du crime, troublerait le devoir d'un deuil si légitime. Il souillerait l'offrande de vos pères.